Les infos, c'est avec François Poulet. Bonjour. Bonjour à tous. On débute avec un mot de la météo de ce vendredi 26 octobre. Début de journée dans la grisaille avec des brumes dans les terres et quelques pluies en bord de mer à l'est ou sur le nord cotentin. Renforcement du vent et des températures minimales comprises ce matin entre 4 et 10 degrés. Cet après-midi, le ciel d'abord couvert avec de faibles pluies, puis le soleil devrait revenir par l'ouest rapidement sur le cotentin et en fin de journée sur l'Eure et la Seine-Maritime. Le vent faiblira, il fera 14 ou 15 degrés du côté du Mercure. Demain samedi, pluie et éclaircies en matinée, minimale de 2 à 8 degrés, puis pas plus de 10 degrés ensuite et un temps variable. Risque d'orage sur la côte d'Albâtre. Dimanche, orage dans la nuit et en matinée sur le Cotentin. Temps nuageux et pluvieux, plus sec en Seine-Maritime et de 5 à 13 degrés pour les températures. Le chômage poursuit sa baisse en Normandie. Au troisième trimestre 2018, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de chercher un emploi et sans activité, c'est-à-dire de catégorie A, s'établit en moyenne à 166 940. Ce nombre diminue de 0,3%, soit moins 480 personnes par rapport au deuxième trimestre 2018. Il baisse de 2,9% en un an. Par ailleurs, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité dans le mois, c'est-à-dire catégorie A, B et C, s'établit en moyenne à 288 200 au troisième trimestre 2018, c'est l'équivalent quasiment de la population de l'aire urbaine. Ce nombre de demandeurs d'emploi diminue de 0,4% en un trimestre, moins 1020 personnes. Il baisse de 1,2% en un an. En moyenne, au troisième trimestre 2018, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A diminue dans deux départements normands sur 5 en 3 mois, moins 1,3% dans l'Eure, moins 0,7% dans le Calvados. A l'inverse, il augmente dans la Manche, plus 0,6% et dans l'Orne, plus 0,4%. Il est stable en Seine-Maritime. Cyril Ferraud avait promis un épisode haletant, il le fut. La bataille à laquelle se sont livrés Delphine et Jonathan, les deux candidats du jeu La Carte au Trésor, ce mercredi sur France 3, a remporté un franc succès. Selon les chiffres de Médiamétrie, près de 2,3 millions de téléspectateurs ont suivi l'émission, tournée exclusivement en Normandie. Tout semble réussir aux gendarmes de la compagnie de Bernay après avoir arrêté le propriétaire d'1,5 kg de résine de cannabis après 8 mois d'enquête. Ils viennent de solutionner une autre affaire impliquant cette fois une équipe de cambrioleurs. Pour rappel, le 29 septembre dernier, les gendarmes étaient amenés à se déplacer à Harcourt près de Brionne pour constater un vol par effraction au domicile d'un couple de commerçants d'Evreux. Des bijoux, du matériel informatique et des appareils high-tech, mais aussi de l'outillage et un chéquier avaient été dérobés. Les malfaiteurs étaient allés jusqu'à droguer le chien avec des somnifères pour le neutraliser. Les victimes ont déposé plainte et ont fourni aux enquêteurs des informations précieuses. Le couple de commerçants d'Evreux a en effet indiqué que la veille, dans la soirée, en rentrant chez lui à Harcourt, il avait remarqué qu'il était suivi par une Peugeot 2008 de couleur rouge, un renseignement que les gendarmes ont exploité et qui a servi de fil conducteur pour la poursuite des investigations. Sur le lieu du cambriolage, une trace ADN a été relevée par le technicien d'identification criminelle. Elle a été envoyée pour analyse dans un laboratoire et est revenue avec un nom. Parallèlement, une enquête de voisinage a été effectuée qui a permis de recueillir le témoignage d'un riverain qui a affirmé avoir vu une voiture rouge le jour du cambriolage vers midi. Les gendarmes se sont intéressés aux images de la vidéosurveillance à Évreux qui a pu filmer cette fameuse voiture rouge lorsqu'elle a suivi le véhicule des commerçants. Autant d'éléments qui ont permis d'identifier trois individus, en particulier celui dont l'empreinte génétique avait été retrouvée sur le lieu du cambriolage. Interpellés la semaine dernière à leur domicile respectif dans le quartier Saint-Michel à Évreux, les suspects entre 18 et 30 ans ont été placés en garde à vue. Ils ont reconnu les faits lors de leur audition et tous les trois ont été remis en liberté avec une convocation par officier de police judiciaire pour le mois d'avril prochain devant le tribunal correctionnel d'Évreux. Et puis soupçonné d'une dizaine de vols à l'étalage chez des commerçants de la zone commerciale du Grand Évreux, une mère et sa fille ont été interpellés et placés en garde à vue. Jeudi dernier, vers 14h, le commissariat de police d'Évreux a été avisé par le responsable de tape à l'œil implanté sur la zone Carrefour qu'il venait d'être victime d'un vol à l'étalage dans sa boutique de prêt-à-porter. Le commerçant a pu fournir un signalement précis des deux voleuses qui étaient parties à bord d'une Volkswagen Polo. Le véhicule suspecté a rapidement été retrouvé par les policiers sur la zone commerciale. La conductrice et la passagère ont été interpellées. La fouille du véhicule a permis de découvrir de nombreuses marchandises dérobées, plutôt dans 10 magasins de la zone, des magasins aussi divers que Bricorama, l'animalerie Maxizou, le Cultura, Intermarché, Darty ou encore Cash Cash. Le montant des vols s'élève à 3000 euros environ. Les deux femmes utilisaient des sacs dont le fond et les parois étaient recouverts d'un film aluminium. Un dispositif bien connu des agents de sécurité qui a pour effet de neutraliser les antivols équipant les marchandises. Les deux femmes âgées de 42 ans et 21 ans originaires de l'Oise ont été remises en liberté. Elles sont citées à comparer être le 13 février prochain devant le tribunal correctionnel d'Évreux.

la nique, les mains dans le blouson. Tout mon corps me pique, c'est la salaison. Quand ils l'ont de leurs bras, elles rient de bonté. Tic tic tac, ça semble écrit sur le papier. Ma tristesse infectera ma mâchoire. Plus je convoite et moins je suis belle à voir. C'est comme un merle, la fille que tu crois retenir. T'appuies au hasard pour la faire jouir. Que faire de l'énergie que je perds quand je te veux? Tiens, dis-moi comment mieux. Que faire de l'énergie que je perds quand je te ramène sa mordissure. Dans le noyau des villes, ils m'interpellent depuis leur cachure. T'es qui de la mode n'est pas défendu. Revenu au matin pleine de sueur. Mon corps menti entre les bras du passeur. Accroupi, laissé toute l'âme tragique. T'es qui pour me traiter toi? Le rappel des titres sur Cristal, François Poulet, bonjour à tous. Et on débute avec un mot de la météo de ce vendredi 26 octobre. Début de journée dans la grisaille avec des brumes dans les terres et quelques pluies en bord de mer à l'est ou sur le nord cotentin. Renforcement du vent et des températures minimales comprises ce matin entre 4 et 10 degrés. Le plus frais dans l'Orne notamment. Cet après-midi, un ciel d'abord couvert avec de faibles pluies. Puis le soleil reviendra par l'ouest rapidement sur le cotentin et en fin de journée sur l'Eure et la Seine-Maritime. Le vent devrait faiblir et côté température, il fera cet après-midi entre 14 et 15 degrés. Le chômage poursuit sa baisse en Normandie. Au troisième trimestre 2018, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité, c'est-à-dire de catégorie A, s'établit en moyenne à 166 940. Ce nombre diminue de 0,3%, soit moins 480 personnes par rapport au deuxième trimestre 2018. Il baisse de 2,9% en un an. Du côté des départements, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A diminue dans deux départements normands, notamment dans l'Eure. Il est stable en 7 maritime. Et puis Cyril Ferraud avait promis un épisode haletant, il le fut. La bataille pour la carte au trésor mercredi soir a remporté un franc succès. Il a été tourné exclusivement en Normandie. Voilà pour les titres de l'actualité développés dans votre prochain journal. Très belle journée à l'écoute de Cristal. La pause déj. La pause déj, la rediff, c'est jusqu'à 5h30 sur Cristal. Il est midi 4 sur Cristal, vous êtes peut-être devant votre plat de pâtes, puisque c'est la journée mondiale des pâtes aujourd'hui. D'ailleurs, on fête ça sur le Facebook de Radio Cristal avec Dimitri. On a partagé nos photos de plats de pâtes hier. Et apparemment, les miennes ne vous donnent pas du tout envie. C'est des pâtes vertes aux épinards, je précise. Bon appétit à vous, vous jouez à la pause déj midi, tout seul ou en équipe au 02 32 23 53 96 avec un beau week-end. And à Londres a remporté. Notre première candidate s'appelle Rosine, bonjour. Bonjour. Tu habites à Biéville-Beuville? Oui. Et tu as surtout un très très joli prénom. C'était la première fois que j'entendais ce prénom, Rosine. Oui, tout à fait. Tu sais d'où ça vient? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Tu sais d'où ça vient, ce prénom? Alors, je n'ai pas les origines de ce prénom, mais je sais qu'il y a une sainte à l'époque qui s'est appelée Rosine, et dont on célèbre la fête le 11 mars. D'accord, et je sais que ça vient du mot rosa en latin, qui veut dire rose, du coup. Et je regardais un petit peu, tu sais, on peut savoir, grâce au prénom, un peu les caractères des personnes. Et Rosine, apparemment, l'échec ne vous réussit pas, vous abat et vous décourage. Ça fait peur pour la pause-déj. Bon, si tu perds, tu vas pas être déçue quand même. Un petit peu. Si je perds, je serais déçue et énervée. Mais bon, c'est pas grave. C'est d'accord. Pas enfin, contre moi quand même, j'espère. Un peu. Non, du coup. Au moins, tu es honnête avec moi. Alors, Rosine, c'est la première fois que tu passes sur l'antenne de Cristal. Tu as une minute de questions. Tu dois faire le meilleur score parmi les trois candidats aujourd'hui. Si tu fais 10 bonnes réponses d'affilée, tu gagnes 500 euros. Wow. Mais pour ça, il ne faut pas passer, puisque tu as le droit de passer si tu n'as pas la réponse à une question. D'accord, ok. J'envoie le chrono. C'est parti. C'est parti, 3, 2, 1. Quel artiste reconnais-tu dans cet extrait? Le petit bonhomme en Patrick Sébastien. Elle peut être d'œuf ou Saint-Jacques, de quoi s'agit-il? La coquille. À quelle heure passerons-nous le week-end prochain dans la nuit de samedi à dimanche? À l'heure d'hiver. Il s'appelait comment le jeu vidéo de Nintendo dans lequel il fallait faire des lignes avec des briques qui tombaient? Bloc. Quel plat peut être au beurre ou Suzette? La crêpe. Sur un ordinateur, pour sélectionner l'intégralité d'une zone de texte, il me faut appuyer en même temps sur la touche CTRL et la touche A. Il peut être médical ou de sable. De quoi s'agit-il? Donne-moi 3 ans près à l'âge du pape François. Ouh. 74, je crois, c'est ce que tu as dit, hein. 75. Tu as dit 75. Oui. Ça aurait été 74 ou 75 ans, ça n'aurait pas changé grand-chose, puisque le pape François, il a 81 ans. Oh. Et je te demandais à 3 ans près. Alors, il peut être médical ou de sable. Tu l'avais au bout de la langue, ça se sentait avec ce... un peu énervé. Alors, c'était le désert. Oh mince, oui, c'est vrai, oui, oui. Le désert médical, le désert de sable. Exact, oui. Elle peut être au beurre ou Suzette. On parle bien de la crêpe, ça me donne tellement faim là, à cette heure-là. Oh, bah. Il s'appelait comment le jeu vidéo de Nintendo dans lequel il fallait faire tomber des lignes avec des briques, enfin faire aligner des lignes. Vous voyez ce que je veux dire? Avec oui, cette musique très entêtante. Tu as dit bloc, mais c'était Tetris. Oh mince! Bah oui, oui, Tetris, oui, oui. Il y a d'autres bonnes réponses. Il y a aussi des mauvaises réponses. Bah d'ailleurs, c'est la seule que j'ai donnée. Donc on va voir quel est ton score dans un instant. Tu restes avec nous? Oui, ça marche. On écoute Louane et Julien Doré tout de suite. Il est midi sur novembre. Mais il est plutôt midi sur octobre en ce moment-là. Il est midi sur novembre et le soleil peut t'attendre que j'ouvre un peu les yeux sur toi. Je me fous de ce que tu penses. Moi, je parle à l'évidence. Nous ne passerons pas l'hiver cette fois. Il est midi sur novembre. Je t'ai perdu dans la chambre. Nous ne partirons pas ensemble. Sympa pour vous accompagner ce midi, peut-être à table en ce moment avec vos collègues. Vous jouez pas emporté. Un week-end à Londres pour deux personnes au 02 32 23 53 96. Celle qui veut se qualifier, qui n'a jamais été à Londres alors que pourtant elle voyage beaucoup, c'est Rosine qui se trouve en ce moment, je ne sais pas où, dans une centrifugeuse, je ne sais pas où tu es, mais il y a énormément de vent. Est-ce que tu n'es pas en voiture par hasard? Mais j'ai pas mon portable avec moi. J'ai le kit auto de la voiture. Donc et ça s'entend. Et c'est pas bien normalement. Je prends pas de gens à l'antenne s'ils sont en train de conduire. Alors, je me garde tout de suite. Bon, comme tu as joué avec moi, j'ai pas trop le choix. Il faut que je te donne ton score. On va débriefer toutes les questions. Alors, l'artiste qu'il fallait reconnaître dans l'extrait, c'était bien Patrick Sébastien. Elle peut être d'œuf ou de Saint-Jacques. De quoi s'agit-il? La coquille. Bonne réponse. On va passer donc à l'heure d'hiver, hein. C'est bien ça, dans la nuit de samedi à dimanche, on va gagner une heure de soleil, mais le soir il va faire nuit dès 18h30. T'aimes bien toi passer à l'heure d'hiver ou pas? Du tout. Ah d'accord. Je préfère l'heure d'été. Oui, bah comme beaucoup de personnes, moi je suis la seule à aimer, je crois, dans les studios de Cristal, de passer à l'heure d'hiver. Il s'appelait comment le jeu vidéo de Nintendo dans lequel il fallait faire des lignes avec des briques? C'était Tetris, on est revenu dessus. Alors, Rosine. Oui. Tu as fait 5 points, ce qui est pas mal pour une première dans la pause-déj. Wow, ouais, j'espère. Non, c'est pas mal. Bon, le prochain candidat, il a une minute pour faire au moins 6 points et te mettre hors compétition, donc c'est tout à fait faisable. Hein. D'ailleurs, si vous pensez la battre Rosine aujourd'hui, vous appelez au 02 32 23 53 96. Bon, bah t'as plus qu'à nous écouter là en voiture en ce moment? Et à croiser les doigts pour ne pas être égaré. Je vous écoute, je croise les doigts et voilà, que personne ne dépasse les 5 points. Voilà. Merci Rosine d'avoir joué avec nous, je te fais de gros bisous. Merci beaucoup, bonne journée à vous. La nuit, la pause déj passe en mode rediff sur Cristal. Thank you.

Vente. Cite une couleur qui ne comporte pas la lettre E. Non. Comment s'appelle l'acteur qui incarne Harry Potter au cinéma? Je sais pas. Dans la mythologie, c'était quoi son point faible à Achille? Le talent. Fin de la minute, le gong a retenti. Christelle, qui nous donnait des réponses genre « C'est quoi cet extrait ?»« Jésus !» J'avais l'impression d'être avec, avec Dark Vador au téléphone. Alors bon, ça va, on a assez bien compris tes réponses pour le coup. Donc en effet, il fallait reconnaître Zazie hein, dans l'extrait que j'ai passé en tout début de questionnaire. Le prénom de l'actrice est ex-mannequin dont le nom est Casta. Tu as passé, si je te dis Laetitia Casta. Ah oui. Donne-moi le score du match PSG-Naples hier soir en Ligue des Champions. Je pensais au moins avoir une réponse de Quentin, ton fils. Il pas foot du tout, d'accord. Eh bien, c'était non pas 2-1. Bien tenté, ça aurait pu être cette réponse, mais c'était 2-2. Oh, dommage. Par contre, il aime la motocross. Il aurait dû avoir cette réponse. Bon, t'as été plus rapide. Quelle partie d'un casque de moto sera protégée du vent? C'était la visière, en effet. C'était une bonne réponse. Alors, est-ce que vous avez fait au moins 6 points pour battre Rosine de Biéville-Beuville aujourd'hui? Réponse dans un instant, juste après les SD avec Thunder Clouds. Dans la pause des gens, jouons ensemble ce midi pour emporter un week-end à Londres. C'est Christelle du côté d'Orme dans le 27 qui essaye de battre aujourd'hui Rosine de Biéville-Beuville dans le Calvados. Il faut faire 6 points. Est-ce que vous pensez les avoir aujourd'hui, ces 6 points? Je pense pas. C'est 3 sûrs, mais après, je sais pas. Alors, 3 sûrs. D'accord, on va voir si vous avez fait 3 bonnes réponses. Alors, comment s'appelle l'endroit où on joue des opéras? Alors, c'était une question un peu piège parce que c'est bien dans les opéras hein, qu'on joue un opéra. C'est le même terme hein, pour le spectacle et le lieu qui l'accueille. Complète cette suite logique. 6, 12, 24. Et toi, tu as dit 30. Ouais. Parce que tu as fait 24 plus 6. Voilà, oui, mais j'aurais dû dire 48 en fait. Et oui, il fallait doubler 24 et dire 48. Je te demandais de citer une couleur qui ne comporte pas la lettre E. Tu as dit noir. Ça reste une bonne réponse. Il y avait marron, il y avait fuchsia. Comment s'appelle l'acteur qui incarne Harry Potter au cinéma, quand même? Oh, mais Harry Potter. Hein, non, tu regardes pas, t'aimes pas? Oh, pas du tout, non. Et alors, Quentin non plus, il regarde pas ton fils? Non, non plus, non, Harry Potter. Bon, c'était Daniel Radcliffe. On a droit de pas aimer Harry Potter, hein. Je fais partie de ces personnes-là, je n'aime pas trop tout ce qui est fantastique, mais je connais quand même Daniel Radcliffe. Et dans la mythologie, c'était quoi le point faible d'Achille? C'était bien le talon, hein. C'est pour ça qu'on parle du fameux talon d'Achille. Alors Christelle et Quentin, vous avez bon sur une chose, c'est que vous avez bien fait trois bonnes réponses. Et tu connais le principe du jeu, c'est un score à battre, ce n'est pas suffisant, il fallait faire au moins 6 bonnes réponses pour peut-être remporter donc le week-end à Londres. Mm-hmm. Christelle sera pour une prochaine fois. Oui, bah oui. D'accord. D'accord. Je fais une grosse, de gros bisous, la prochaine fois ça peut être aussi ton fils hein, qui peut jouer, hein, Quentin. Hein. Oui, oui, ouais. D'accord. Gros gros bisous, passe de bonnes vacances, profites-en bien, repose-toi. Je peux faire un coucou à ma belle-sœur? Et vas-y, je t'en prie. Coucou Hélène, qui travaille à l'EHPAD à Conches, voilà. Eh bien, coucou Hélène. Le message est passé. Si vous aussi vous voulez jouer à la pause déj pour emporter ce très beau cadeau, un week-end à Londres, vous jouez au 02 32 23 53 96 et pourquoi pas jouer en équipe avec son chéri, sa chérie, avec son fils, ses filles, avec qui vous voulez, vous jouez à la pause déj pour emporter donc un week-end à Londres. C'est au 02 32 23 53 96. Ce midi, il faut faire 6 points. La nuit, la pause déj passe en mode rediff sur Cristal. Le rappel des titres sur Cristal, François Poulet, bonjour à tous. Et on débute avec un mot de la météo de ce vendredi 26 octobre. Début de journée dans la grisaille avec des brumes dans les terres et quelques pluies en bord de mer à l'est ou sur le nord cotentin. Renforcement du vent et des températures minimales comprises ce matin entre 4 et 10 degrés. Le plus frais dans l'Orne notamment. Cet après-midi, un ciel d'abord couvert avec de faibles pluies. Puis le soleil reviendra par l'ouest rapidement sur le cotentin et en fin de journée sur l'Eure et la Seine-Maritime. Le vent devrait faiblir et côté température, il fera cet après-midi entre 14 et 15 degrés. Le chômage poursuit sa baisse en Normandie. Au troisième trimestre 2018, le nombre de demandeurs d'emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité, c'est-à-dire de catégorie A, s'établit en moyenne à 166 940. Ce nombre diminue de 0,3%, soit moins 480 personnes par rapport au deuxième trimestre 2018. Il baisse de 2,9% en un an. Du côté des départements, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A diminue dans deux départements normands, notamment dans l'Eure. Il est stable en Seine-Maritime. Et puis Cyril Ferraud avait promis un épisode haletant, il le fut. La bataille pour la carte au trésor mercredi soir a remporté un franc succès. Il a été tourné exclusivement en Normandie. Voilà pour les titres de l'actualité développés dans votre prochain journal. Très belle journée à l'écoute de Cristal. Cristal, la première hit radio en Normandie. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune once féminine, ni les airs, ni des gestes qui veulent dire et je sais si ce sont tout de même les pires à venir te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid, loin de toi, c'est fini. Finesse tactique de ces femmes d'origines qui féminisent, groguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid, tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon. Et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfaste pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid, tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid, tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tout sens, des fils à terre et dopé de chair de nerfs protéinés. Et tu seras viril, mon kid, tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prends pas mon chiffre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prends pas mon chiffre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. La pause d'âge. La pause d'âge, la rediff, c'est jusqu'à 5h30 sur Cristal. Il faut battre Rosine de Biéville-Beuville dans le Calvados. Elle a fait 5 points, ça a été notre première candidate. La deuxième n'a pas su, Christelle, donc battre ce score. Est-ce que Magali de Alors comment la ville, je l'ai plus. Elle est un peu compliquée à dire. C'est surtout très mal écrit sur ma fiche. Magali, tu habites où? J'habite à Martigny-sur-Lampe, à côté de Falaise. Voilà. Ok, donc c'était pas du tout presque ça. Alors, donc ça va être un combat dans le Calvados aujourd'hui. Magali qui doit battre Rosine. Tu es mariée, tu as une fille qui a 15 ans et tu habites donc dans ce petit village juste à côté de Falaise où tu as 4 chiens et 7 chats. Et oui, une grande famille à 4 pattes. Mais voilà, c'est notre passion. On est ravis de les avoir et voilà, ils agrémentent notre quotidien avec beaucoup de plaisir. Et beaucoup d'amour. Moi déjà que j'ai du mal avec un chat chez moi. Alors j'imagine pas avec 4 chiens et 7 chats. Tu pourrais me dire les noms des animaux à la suite comme ça, les énumérer d'un coup là? Oui, Belle, Wendy, Umberto, Uranus, Dora, Minimoy. J'ai un trou là. Du coup, ça déclenche le stress d'être à l'antenne. Noisette, Indira, voilà. Enfin voilà, Choupi, c'est une très grande famille. Ceux à qui tu as oublié le prénom vont t'en vouloir aujourd'hui, je crois. J'espère qu'ils ne m'écoutent pas. Voilà. Alors Magalis, j'espère que tu as un petit peu de chance aujourd'hui. Il faut faire 6 points et tu remportes 6 points, oui c'est bien ça, 6 points et tu remportes un week-end à Londres. Tiré avec qui? Probablement avec mon mari, ou alors je l'offrirai à des amis récemment mariés. Voilà, on va voir. Donc, ce serait super gentil. Faire papa. Plaisir autour de nous. Voilà. On y va pour une minute, c'est parti. 3, 2, 1. Quel artiste reconnais-tu dans cet extrait? Yo. Quel mot abrégé en 5 lettres désigne la pause du matin et de l'après-midi à l'école maternelle et primaire? Le petit-déj. Quel terme anglais désigne une tartine de pain grillé? Je passe. Sous quel terme générique regroupe-t-on des sports comme le karaté, le judo et le kendo? Les sports de combat. Dans quel film Rose et Jack tombent-ils amoureux sur un bateau? Le Titanic. Cite le titre d'une chanson de Michel Sardou, n'importe laquelle. La maladie d'amour. De quelle région la galette saucisse est-elle une spécialité? L'Alsace. Selon l'expression, qu'est-ce qui est pleine lorsqu'on en a ras-le-bol? La coupe. Dans quel pays se trouve le port du Pirée? Je passe. 245 plus 75 égale... 320. Presque. Presque. Tu as dit 320, 241 plus 75, ça fait 316. Bon, voilà, la précipitation. Exactement. Dommage. Alors, bon, tu as retrouvé le premier extrait qui était donc Kyo, en effet. Le mot abrégé en 5 lettres qui désigne la pause du matin et de l'après-midi à l'école maternelle et primaire, ça a des heures précises, généralement c'est à 10h15, ça dure 15 minutes. Mais ouais. C'était la récré. Ah, c'est la récré. Ah bah j'ai bien fait, je l'avais pas. Parce que toi, t'as dit le petit-déj. Bon, oui, l'après-midi, voilà. Le petit-déj, voilà, c'est plus le goûter. C'est ça. Quoi. Le terme anglais qui désigne une tartine de pain grillé, et on appelle ça un toast. Mm-hmm. Et sous quel terme générique regroupe-t-on des sports comme le karaté, le judo et le kendo? Ce n'est pas les sports de combat, on aurait pu y penser, mais c'est les arts martiaux que j'attendais en réponse. D'accord, ok. Alors, tu restes avec nous, Magali. On va voir si tu as fait 6 points. Il y a d'autres bonnes réponses. On va débriefer tout ça juste après Hugo. Voici No Use sur Crystal. Soyez les bienvenus dans la pause déj. Il est 12h40. Magali jouait à la pause déj. Magali dans le Calvados de Martigny sur Lente, je le dis bien? Oui, c'est ça, c'est bien ça, oui. Donc tu fasses 6 points aujourd'hui pour remporter donc ce week-end à Londres par Brittany Ferries. Magali, est-ce que tu as battu Rosine de Biéville-Beuville également dans le Calvados? Alors, dans quel film Rose et Jack tombent-ils amoureux sur un bateau? Facile. Tu l'as déjà vu ce film, et plusieurs fois, je pense. Oui, plusieurs fois. Et tu pleures toujours à la fin, toi, ou pas? Non, ça va. Non, au bout d'un moment. On est rendu à l'exercice et ça va. Oui. Mais il y avait de la place, hein, quand même, sur la barque. Quand même. Oui, c'est vrai. Enfin, sur le bout de bois, plutôt. Oui. Dans quel cite le titre d'une chanson de Michel Sardou, n'importe laquelle, il y avait les lacs du Connemara, la maladie d'amour, encore comme d'habitude, tu as dit la maladie d'amour, ça te fait une autre bonne réponse. La galette saucisse quand même, ça vient pas d'Alsace. Ça vient plutôt de la Bretagne. La Bretagne, aussi. Ouais. Rien que le mot galette, t'aurais dû y penser à la Bretagne. C'est vrai, ça fait. Et selon l'expression, qu'est-ce qui est pleine lorsqu'on en a ras-le-bol? C'est la coupe est pleine. Et dans quel pays se trouve le port du Pirée? C'est la Grèce. Alors Magali, je pense que tu l'as compris aujourd'hui. Je l'ai compris, ça c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, non, tu as fait 4 points. Okay. Score honorable tout de même pour un premier passage dans la pause déj. Mais pas suffisant pour battre Rosie, notre grande gagnante, qui n'est pas au téléphone avec nous. Donc on a décidé avec Jocelyne, l'arbitre de la pause déj, de partir à Londres toutes les deux, à la place donc de Rosine. Si elle nous écoute, je sais qu'elle est dans la voiture en ce moment, elle avait peut-être plus de réseau. Rosine, tu es la gagnante du jour, merci d'avoir joué avec nous. Je te fais de gros gros bisous également aux joueuses d'aujourd'hui, Christelle et puis Magali. La nuit, la pause déj passe en mode rediff sur Cristal. Past the sky, beyond the northern light, you see my delight, reflecting in your eyes. You let me come alive. You and me, we collide, ignite the starry fire. Les Black Eyed Peas pour bien vous accompagner ce matin sur Cristal. Cristal. Dimitri prend l'antenne jusqu'à 9h30. On est vendredi les amis, bonjour. Et oui, c'est déjà le week-end dans quelques heures. Un courage si vous êtes déjà au travail, que vous bossez de nuit ou très tôt ce matin. On est là avec vous sur Cristal pour bien démarrer cette journée en direct, évidemment. La dernière matinale de la semaine déjà. En général, on est pas mal agité avec toute l'équipe. Hein. On est toujours content de vous retrouver en plus dès 5h30. Et on va évoquer pas mal de sujets encore pour ce vendredi. Le passage à l'heure d'hiver, bien sûr. On jettera un coup d'œil aussi sur les anniversaires de stars. La météo et l'horoscope arrivent avant 6h. Aussi. Et puis je vous parlerai dans quelques minutes d'une super appli qui permet de bien choisir son maquillage et ses produits bien-être. Voilà. Bon, le matin c'est toujours un peu difficile, hein. Je sais d'être bien réveillé. Heureusement, vos hits en Normandie sont là, hein, pour vous accompagner avec LSD et Lost Frequencies dans un instant. Très bon réveil. Les infos, c'est avec François Poulet. Bonjour. Bonjour à tous. On débute avec un mot de la météo de ce vendredi 26 octobre. Début de journée dans la grisaille avec des brumes dans les terres et quelques pluies en bord de mer à l'est ou sur le nord cotentin. Renforcement du vent et des températures minimales comprises ce matin entre 4 et 10 degrés. Cet après-midi, le ciel d'abord couvert avec de faibles pluies, puis le soleil devrait revenir par l'ouest rapidement sur le cotentin et en fin de journée sur l'Eure et la Seine-Maritime. Le vent faiblira, il fera 14 ou 15 degrés du côté du Mercure. Demain samedi, pluie et éclaircies en matinée, minimale de 2 à 8 degrés, puis pas plus de 10 degrés ensuite et un temps variable. Risque d'orage sur la côte d'Albâtre. Dimanche, orage dans la nuit et en matinée sur le Cotentin, temps nuageux et pluvieux, plus sec en Seine-Maritime et de 5 à 13 degrés pour les températures.

Les amis, c'est bientôt le week-end, enfin dans quelques heures, hein. Mais on a encore toute une journée de boulot devant nous, c'est vrai, mais ça fait plaisir de penser aux deux jours de repos qui arrivent. Pour certains, ça change rien, hein, si vous êtes vacancier, mais pour d'autres, ce sera l'occasion de profiter un petit peu de la famille et des amis en allant à la foire Saint-Romain, à Rouen par exemple. Il y a plein d'attractions pour fêter Halloween, ça peut être très très sympa. Bon courage, si vous bossez déjà, que vous soyez dans les hôpitaux, sur les routes, dans les boulangeries, on se réveille ensemble tous les matins en direct sur Cristal. Il est bientôt 6h, dans un instant, l'actu de ce vendredi et la météo, mais d'abord on retrouve votre horoscope présenté par Alexandra. Salut Alex. Bonjour à tous, bon vendredi. L'horoscope ce 26 octobre. Bélier, à moins de faire l'autruche et de dire oui à tout, vous devrez affronter les tensions. Les taureaux, on discute agréablement en famille, mais vous avez de la difficulté à vous imposer ainsi que votre point de vue. L'énergie est excellente, amis gémeaux, mais vous avez tendance à la disperser pour les autres. Cancer, vous pourriez vous demander si votre travail est bien compatible avec votre quotidien. Lion, vous prendrez probablement conscience du bonheur que vous vivez et de la chance que vous avez d'être en couple avec votre conjoint. Vierge, vous ne vous laisserez jamais abattre, vous ferez face avec ardeur à tous les obstacles. Balance, vous n'aurez pas la pleine maîtrise de vos émotions, essayez de vous contrôler. Les scorpions, vous passerez beaucoup de temps à construire votre relation car vos sentiments seront plus intenses. Les sagittaires, même si votre charge de travail est excessive, vous saurez assurer et aller au bout de ce qu'on attend de vous. Capricorne, en cas de tension avec vos amis, vous trouverez des solutions pour rendre tout le monde content. Verseau, à fleur de peau, amis célibataires, vous ne devrez pas chercher à faire de nouvelles rencontres. Les poissons, vous mettrez beaucoup de bonne volonté pour que vos relations familiales soient un petit peu plus équilibrées. Excellente journée à tous. I like you.